Mets ton cœur sur la table et cherche en qui tu crois. En présent qu'un seul, dans tes yeux je suis loin. Société. Ici à Patita, tout ça on peut le sucer. Un cœur aussi grand.